gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monsters. Okay, let's see. Nord, sud, est, en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, un événement maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va bientôt dire bonsoir, même si on ne change pas l'horaire de Planète Indie, on va bientôt dire bonsoir, puisqu'avec l'heure d'hiver, eh bien, le soleil nous quitte un peu plus tôt que ce à quoi on s'était habitué. Mais bon, comme il ne fait pas encore noir, eh bien, on va en rester à bonjour à toutes et bonjour à tous. Samedi 6 novembre, ben oui, ça sent la fin de l'année qui approche à grands pas. Et comme chaque premier samedi du mois, eh bien, vous en avez pris l'habitude maintenant. C'est Planète Indie. Nous sommes ensemble pour une heure et demie de musique indépendante, de musique alternative. Et aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 436. Eh bien, comme d'habitude, on a beaucoup de bonne musique à vous proposer. On ira faire un tour aussi sur l'agenda des manifestations de nos partenaires. On ira faire un petit tour aussi dans le monde de la bande dessinée avec des nouvelles parutions. Bah oui, j'ai décidé aussi, plutôt que de vous faire simplement part de mes commentaires sur une bande dessinée, de vous faire part aussi des sorties qui sont prévues. Voilà, et puis donc la musique, et on va tout de suite laisser la place à la musique. On va écouter le groupe Foxes avec Sister Ray, mais avant cela, un autre groupe qu'on a découvert le mois dernier. Je vous avais dit que je ne savais pas comment il fallait prononcer parce que ça semblait un nom allemand, Neu Sierra ou Neu Sierra, je ne sais pas trop. D'ailleurs, je n'ai toujours pas résolu la question de la prononciation du nom. On va dire Neu Sierra. Allez, Neu Sierra. For the Last Time, c'est le premier morceau avec lequel on va lancer cette émission. Allez, bon début de soirée, bonne fin d'après-midi. Vous choisissez, vous cochez la case que vous voulez. En tout cas, vous ne changez rien. Nous, on est ensemble jusque 18h30. Last time, went two, three, four, no more. Empty your glass for the last time, the last time. Chin up, shoulders down for the last time. Once more. Walk yourself home for the last time, the last time. You close your eyes, but still sunlight. You haven't really closed your eyes. Close your eyes, but still sunlight. You haven't really closed your eyes. Close your eyes, but still sunlight. You haven't really closed your eyes for the last time. The last time, for the last time. For the last time. Tonight, one of those, sister, can I get your love? It's been Ça bouge pas mal, hein. En ce début d'émission, c'était le groupe Foxes avec Sistery. Avant cela, c'était Noisiera, For the Last Train, la musique qui réveille. Et ça tombe bien parce que le morceau suivant s'intitule Wake, qu'on peut traduire justement par réveiller. C'est interprété par Echo Bloom. D'ici quelques minutes, je vais vous mettre déjà l'eau à la bouche. On ira sur notre album Powerplay de cette semaine, et pour vous mettre à la bouche, je ne vais pas vous dire le nom de l'artiste, mais je peux vous dire qu'il s'agit d'une légende vivante et vous signaler qu'elle est américaine. Voilà, ça laisse encore pas mal de portes ouvertes, donc restez avec nous d'ici quelques minutes. Eh bien, nous partirons à la découverte de cet album Powerplay pour aujourd'hui, le samedi 6 novembre 2021. Pour l'heure, eh bien, comme annoncé, on écoute le groupe Echo Bloom avec Awake. Regulars left, boarded up homes, thinking from Promise Lab, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Chris from the band Mr. Hunter, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Andy Palmer, and you're listening to Planet Indie. Me and Sam drove into town at the start of market day. Everyone knew who we were, but no one backed away. I had $5 in my pockets and 50 in my shoes. The way the natives kissed my feet, I knew I stood to lose. There's a traffic jam in the Zocalo, way down south in Mexico. It's Uncle Sam on the lam, a long way from Chicago. I began to hop from shop to shop till my arms were filled with loot. I bought a set of dishes and a fancy cowboy suit. Then I grabbed a hot tamale and headed for the square, to find that human folly was making progress there. There was a traffic jam in the Zocalo, way down south in Mexico. It's Uncle Sam on the lam, a long way from Chicago. Camping cars from California and taxi cabs from town and tourist buses filled with us all tried to run me down. I dashed to the cathedral, but much to my chagrin, there was a hot rod Ford with a plastic Lord where the altar should have been. There's a traffic jam in the Zocalo, way down south in Mexico. It's Uncle Sam on the lam, a long way from Chicago. I bought a picture postcard and retreated to the car, where I found the Holy Trio with Jesus on guitar. He said, something tells me you need a song to sing. So here's a tune I wrote for you, and it doesn't cost a thing. And he sang, hay mucho tráfico en el Zócalo, en el sur de México, es Tío Sam viajando lejos de Chicago. Hay mucho tráfico en el Zócalo, en el sur de México, es Tío Sam viajando lejos de Chicago. Well, I threw the man a peso and set out for the States, but every time I'd hit a bump, I'd break a few more plates. My 10-gallon sombrero with the dingle balls hanging down blew out the window, and my jumping beans jumped away. But I brought back more than I bargained for, since I heard that poor man say, there's a traffic jam in the Zocalo, way down south in Mexico. It's Uncle Sam on the lam, a long way from Chicago. A traffic jam in the Zocalo, way down south in Mexico. It's Uncle Sam on the lam, a long way from Chicago. There's still a traffic jam in the Zocalo, way down south in sunny Mexico. It's Uncle Sam on the lam, a long way from Chicago. On entend bien les influences hispanisantes sur ce morceau, puisqu'il raconte qu'il était sur l'autoroute en direction de Mexico et il y avait un embouteillage à Zocalo, Traffic Jam in the Zocalo. Son nom, c'est Paul Kaplan, cet extrait d'un album qui s'intitule We Shall Stay Here, avec pas mal de morceaux enregistrés en public, et puis il fait beaucoup rire le public hein, sur ses morceaux. Apparemment, il fait pas mal de jeux de mots et de blagues. Je ne les ai pas toutes comprises parce qu'il y en a beaucoup qui sont probablement... il faut plutôt être dans le contexte, et moi, je n'y étais pas. Donc voilà, si vous voulez découvrir, n'hésitez pas. Je vous rappelle son nom, Paul Kaplan, 17h21. Eh bien, passons à la découverte de ce fameux artiste légendaire qui, je vous ai peut-être titillé ou mis l'eau à la bouche en vous en touchant ces quelques mots tout à l'heure. Eh bien, celui qu'on découvre aujourd'hui, il s'appelle Jackson Browne. Il est né le 9 octobre 1948. Bah, oui, il est plus tout jeune, mais en même temps, s'il est déjà légendaire, il ne doit plus être tout jeune. Ça va quelque part de pair. Il est né donc le 9 octobre 1948 à Heidelberg, en Allemagne, où son père était basé en tant que correspondant local pour le journal Stars and Stripes. À l'âge de 3 ans, Jackson Browne et toute sa famille sont retournés vivre aux États-Unis dans la maison de son grand-père à Highland Park, près de Los Angeles. Il commence déjà à se faire connaître pendant son adolescence en chantant des chansons folk dans des clubs du coin, comme par exemple le Ash Groove ou le Troubadour Club. Et il obtient son diplôme secondaire en 1966. Il est donc bien dans les temps si on calcule l'âge qu'il avait. En cette année-là, il rejoint alors le Nitty Gritty Dirt Band qui se produisait à l'époque au Golden Bear et où ils ont fait la première partie du groupe les Lovin' Spoonful. Alors ça vous dit peut-être rien, sauf si vous êtes branché fin des années 60, début des années 70. Lovin' Spoonful, on a retenu deux essentiellement. Le titre Summer in the City qui a été repris d'innombrables fois et par pas mal d'artistes depuis lors. Le groupe a enregistré quelques-unes des chansons de Brown. Quand on parle de groupe, c'est plus les Lovin' Spoonful, hein, c'est le Nitty Gritty Dirt Band dont il a fait partie. Donc il a enregistré quelques chansons de Jackson Browne, dont These Days, Holding ou encore Shadow Dream Song. Ces chansons seront enregistrées aussi bien par John Baez par la suite, par les Eagles, Linda Ronstadt ou encore les Byrds. Des beaux noms que des beaux noms. Et Jackson Browne lui-même ne les reprendra à son compte que bien des années plus tard. Il quitte ensuite le groupe pour aller vivre à New York où il écrit pour le magazine Nina Music. Il y raconte, il couvre les événements musicaux qui se déroulent dans la grosse pomme. Et puis, son palmarès continue à s'étoffer puisqu'il travaille et il fait notamment les chœurs pour les groupes de Velvet Underground. En 68, retour, à la case départ, mais presque, retour à Los Angeles où il forme un groupe folk avec Ned Doheny et Jack Wills. Et en 1972, il signe avec le label Asylum Records, fondé par un certain David Geffen, qui sera aussi plus tard à la base de Geffen Records. Et il sort son premier album intitulé Jackson Browne. Pour l'heure, nous, on écoute son 15e album, qui est Powerplay aujourd'hui. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Je vous en parlerai un peu plus longuement aussi tout à l'heure, puisque sa sortie était prévue l'année dernière, elle a été repoussée pour les raisons que vous imaginez. L'album s'intitule Downhill from Everywhere. Le premier extrait qu'on écoute, on va rester dans l'hispanisant. C'était pas fait exprès, mais ça tombe pas trop mal. La chanson s'intitule A Song for Barcelona. Je vous rappelle, c'est Jackson Browne aujourd'hui, notre Powerplay dans Planète Indie numéro 436. Powerplay. Powerplay. And business, I don't know. I didn't have that far to go to find my pleasure, though. Lovers like islands in an archipelago, set in a sea of time. Love is a place you find where when two people rhyme, they begin to grow, learning the This is a song for Barcelona, city of gravity and light, city that gave me back my fire and restored my appetite. I hear the sounds of you up all night in the plaza. Under the sleepless eyes of the grandmothers on the terraza. In the streets of Gracia and on the Ramblas, I see the searching eyes and youthful bodies pass. In my own vanished youth comes my central truth, though I no longer care. The truth is everywhere. That soon the world I love will no longer be anywhere. This is a song for Barcelona, city of Gaudi and Jojo, city that ignited my desire and temporarily my soul. Le titre de ce morceau, il s'appelle A Song for Barcelona. Il fait pas loin de 8 minutes, donc on va profiter de la fin pour je vous dis que c'est donc extrait de notre power play aujourd'hui. C'est l'album Downhill from Nowhere Everywhere, pardon, de Jackson Browne. On en écoutera encore deux autres extraits d'ici la fin de cette émission. Je vais donc profiter de ce fond musical pour vous faire part de la programmation de notre partenaire La Rocale pour ce mois de novembre. Le 10 novembre, Clara Luciani, il reste quelques tickets. Le 12, de lundi, Pop Rock avec l'Oscar Leone. Si vous aviez prévu d'aller au Rock for Kids le 13, il y a une des deux séances qui est complète, c'est la seconde, la première, il reste encore quelques tickets. Le 14, vous avez écouté le rock du groupe The Last Train. Le 18, c'est un peu plutôt pour les professionnels, c'est le Rock Lab Members Meeting. J'y serai peut-être d'ailleurs, on va bien voir, il faut que je regarde mon agenda. Le 20 novembre, Poupy. Le 22, Benjamin Biolay. Le 23, Lords of the Song. Je ne sais pas si vous avez vu l'affiche, elle est magnifique. C'est bien des musiques de films essentiellement. C'est pas, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Le 26 novembre, encore du hip-hop avec Gazo. Le concert du 27 de Vita et Slimane est annulé. Et puis le 1er décembre, ce sera Noé Prechov. Et on arrivera tout doucement à notre prochaine émission qui, elle, se tiendra le 4 décembre. On va chauffer la place pour Saint-Nicolas. Voilà, on poursuit en musique avec le groupe Lady Psychiatrist Booth et le morceau intitulé Neighbor. You're just a neighbor. You're just a neighbor. I swear I'm not addicted. I just want you every minute. I guess that's what they call a crush. Excuse me, but please don't freak out. I just got lost in your house. There's nothing to fear. Objects are closer than they appear. You're just a neighbor, but I'm watching you close. And every morning I'm driving by slow. I'm sure it fell out of your wallet and landed with my face glued on it. I didn't mean to linger. I just got lost in your yard. Oh no, don't call the cops. I swear that I'm 100 yards. You're just a neighbor, but I'm watching you. say you've got to come my way and start walking in the sun, feeling bad in your day. No one in this world can tell you what to do. You're the only one taking care of you. This is how it should be with you right next to me. The stronger than the crowd, feel the ecstasy. All the joy and the pain coming at the same time. You gotta take the fall before you might climb. All that you wanted, all that you feel, but coming together, I find it right here. Follow me, baby, and if you ask me why, the world is a backyard. Don't think about the flaws, just go full speed. Got a good reason to leave the track, but I promise you, baby, you will never look back. All that you wanted, all that you feel, but come together. C'était le groupe Tip Jar. Je pense que c'est la première fois qu'on les écoute dans cette émission Tip Jar avec leur morceau All That You Wanted. Je tiens encore à vous signaler, pour être complet en ce qui concerne la rocale, puisqu'on a reçu un communiqué de presse, je vous annonce un concert qui se tiendra l'année prochaine au mois de juin. Vous allez me dire c'est un peu loin ça, mais je pense que les tickets vont partir très très vite, puisqu'on a eu la confirmation de la venue, et c'est en association avec le fait que Esch soit capitale culturelle européenne en 2022. Et donc la venue du groupe Les Black Eyed Peas dans à Open Air Belval. Donc ce sera le 15 juin 2022. Et les tickets sont en vente depuis ce mardi. Donc si ça vous intéresse, et je pense que ça va intéresser pas mal de monde, ne traînez pas, hein, parce que ça va partir, et je pense que c'est déjà pas mal parti. Je suis même pas sûr qu'il en reste encore, j'imagine que oui. Mais voilà, comme ça, on a été complet. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe tout de suite à la Culture Fabrique, ou on écoute encore un morceau ? Non, je propose qu'on écoute encore un morceau, et puis on passera à la programmation de la Culture Fabrique tout de suite après. Alors le morceau, c'est le groupe de Giving, avec Sick. Comme vous l'entendez, il va y avoir de la guitare. There, you say you're always on your own. Je pense qu'on les a déjà écoutés, j'en suis plus si sûr, mais je pense que oui. C'est le groupe The Giving avec un morceau Sick. Avant d'écouter Heath Cullen et puis surtout de retourner sur notre album Powerplay, eh bien, penchons-nous un peu sur la programmation de la Culture Fabrique. Alors, mauvaise nouvelle, le concert qui était prévu aujourd'hui, le concert de Rome, c'était de la musique dark folk. Eh bien, ce concert est annulé. Mercredi, vous pourrez voir C'est ça. C'est du Sick Brazilian Folk Bliss, comme c'est intitulé. Le samedi 13, Indie Folk avec Black Sea Dahoo. Le 23, ce sera le groupe Balthazar. Et le vendredi 26, du Flamenco avec Miclave, ou Miclave, je pense qu'il faut prononcer. Ensuite, pour terminer la programmation du mois de novembre, le mardi 30 novembre à 20h, My Ugly Clementine. Je pense qu'ils ont fait un jeu de mots avec My Ugly Valentine, qui est aussi quelque chose qu'on connaît. Et puis, je vais vous annoncer aussi le... Oui, je ne suis pas sûr que je vais vous annoncer le concert du 3 décembre, parce que c'est... Ah bah oui, si, c'est 49 degrés 50, 41 nord, 5 degrés 98, 79 est. C'est du post-rock progressif doom metal. C'est donc un vendredi soir à 20h30 et c'est dans le cadre de Kid Shakers and the Majestic Unicorns from Hell. Voilà, on est arrivé au bout. Ça, c'était donc la programmation de la Culture Fabrique, www.culturefabrique.lu, si vous voulez acheter des tickets ou plus de renseignements sur les, différentes manifestations dont je viens vous parler. Et puis, il y a d'autres types d'activités. Il y a du cinéma, de la littérature, du théâtre ou aussi des résidences artistiques. Là, on a fait que le tour du côté de la musique. Donc, il y a plein d'autres choses aussi à découvrir. 17h46, eh bien, retour donc à la musique avec Heath Cullen et Killswitch. Et puis après cela, eh bien, nous continuerons la petite histoire de Jackson Browne. We killed them at the Palace Bay, and we murdered them in Rome. We knocked them all dead, babe. Then we brought it all back home. Coming down. faith. There are those who play for faith. There are still those who only play for the love of the game. Le titre de ce morceau, il s'appelle Kill Switch et son auteur, son titre s'appelle quant à lui Heath Cullen, et on l'écoutait donc avec un extrait de ce très bon album Springtime in the Heart, et j'aime assez bien la photo de couverture. Allez, retournons sur notre album Powerplay, il est grand temps. On s'était quitté tout à l'heure en 1972 avec la sortie de ce premier album pour Jackson Browne, un album éponyme qui s'appelle Jackson Browne, et il marque le début de la longue série des albums sortis par l'artiste. Et dès ce premier essai, il obtient un top 10 dans les charts américains avec le morceau Doctor My Eyes. La tournée de promotion l'a vu jouer avec Linda Ronstadt ou Joni Mitchell notamment. Il ne lui a pas fallu longtemps non plus pour se construire une réputation de créateur ou de compositeur de jolies mélodies accompagnées de paroles très personnelles, mais surtout pour son talent d'arrangement des compositions. De plus, son troisième album, Late for the Sky, avait une pochette dont la composition s'inspirait grandement des œuvres de Magritte, des œuvres groupées sous le nom L'Empire des Lumières. Le titre phare qui donne son nom à l'album, a aussi été utilisé dans le film de Martin Scorsese, Taxi Driver. À l'automne 75, il est de nouveau en tournée, où il joue à nouveau avec Linda Ronstadt, mais aussi avec les Eagles ou encore avec Toots and the Maytals. En 77 sort Running on Empty, enregistré entièrement en tournée, et qui devient son plus grand succès commercial, parce qu'il brise les conventions du genre. Brown a utilisé uniquement des chansons inédites, et les a enregistrés soit sur scène, ou bien dans le bus de la tournée, ou dans des chambres d'hôtel, ou bien juste derrière la scène en backstage. En 80, l'album Hold Out devient son seul numéro 1 dans les classements pop aux États-Unis. 1983 voit un certain changement dans sa manière d'écrire. Il passe de thèmes plus personnels qu'il laisse un peu de côté, et il bifurque de plus en plus vers des sujets politiques et des causes qui lui tiennent à cœur. D'ailleurs, il participe assez fréquemment à des concerts pour soutenir celles-ci. En 1993 sort I'm Alive, qui n'a pas eu un énorme succès commercial, même si les singles se sont bien vendus, et que le morceau Sky Blue and Black a été utilisé dans l'épisode pilote de la série Friends, rien de moins. Allez, on va écouter un second extrait. C'est la vidéo officielle de ce morceau aussi que je vous ai mise sur notre page Facebook. Donc je vous rappelle aussi que Planète Indie est présente sur Facebook. Rejoignez-nous, ça nous fera très plaisir. Donc je vous ai mis la vidéo de ce morceau intitulé My Cleveland Heart. C'est notre power play aujourd'hui dans Planète Indie, cet extrait du 15e album de Jackson Browne, un album qui s'intitule Downhill from Everywhere. Power play. Power play. And you are listening to Planet Indie. Hey, this is Sherry Ann from Sister Speak, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Diane Mink, and you are listening to Planet Indie Radio Show, Brussels and Worldwide. The woods are deep and dark tonight, with trees as thick as bayonets. Heavy on this road of ancient hurts and old regrets. But in the dust there is a song that walkers sang to face their fears. I feel its rhythm in my breath. It's like I've heard it years and years. Beat another poor and hard. forces cannot be denied. They call to me down in my soul. S'appelle Nikki O'Neill et le morceau ne s'intitule pas Break the Chain mais World is Waiting. Avant de passer à la rubrique que vous attendez tous et que le monde nous envie, avant cela on va encore poursuivre notre découverte de l'EP du groupe The Beautiful Art of Decay. Je vous avais fait découvrir le morceau Americans le mois dernier. On va écouter le morceau intitulé Happiness Ever After, mais avant cela, je vous fais part aussi, et comme ça on sera tout à fait complet, de la programmation chez nos amis de Neumünster. Alors demain dimanche, eh bien, concert apéro jazz habituel à 11h, demain ce sera South Quartet. Et puis il y a un petit trou, le suivant... c'est le 20 novembre à 11h. La Luxembourg Composition Academy et je pense que c'est le concert de clôture du festival Rainy Days le 21 novembre donc toujours à 11h Locomotive featuring Christelle Raquier et puis on change un peu l'horaire le 24 novembre à 20h le Portico Quartet et puis pour terminer le mois de novembre et eh bien devinez quoi le 28 novembre à 11h un quintet, c'est le quintet de Dominique Ntoumos. Et comme son nom l'indique, eh bien, il est grec et il nous fera voyager en Grèce et dans les pays adjacents, dans les terres d'Apollon. Voilà, voilà, voilà. Donc, maintenant, et avant de découvrir la BD, et je devrais même plutôt dire les BD, puisque ce sera une chronique qui va... paru à l'occasion du tome 3, mais je couvre les trois tomes d'un coup. Eh bien, patientez encore quelques minutes, et avant cela, eh bien, je vous propose donc d'écouter The Beautiful Art of Decay, et le morceau s'intitule « Happiness Ever After ». Thank you. is how miracles happen. This is when we all succeed. You lose the stone in an instant. We smile and we all will be free. Words are the promising future. It's PayPal and watch on demand. Happiness comes to those who wait. Keep using that sway and wrong. Happiness ever after. Happiness if you wait. Happiness ever after. Happiness as the bait. You know we are the believers. Summertime from now on. Remember where you heard it first, and all the bad news will be gone. This is how miracles happen. This is when it all come true. Someone is making a fortune and spending it all on you. S'appelle The Beautiful Art of Decay et on écoutait le deuxième morceau de leur EP, Happiness Ever After. Alors, capsule BD, et suite à l'apparition du tome 3 de la série Dieu n'a pas réponse à tout, eh bien, je vous fais ma chronique qui peut apporter en même temps, eh bien, sur les trois premiers volumes. Ce volume 3 s'intitule Dieu n'a pas réponse à tout, mais il s'est délégué. Le premier, c'était « Mais il est bien entouré » et le second « Mais il sait à qui s'adresser ». Le septième, Dieu se reposa. Cette partie-là, on la connaît. Mais quid ensuite? Eh bien, chaque jour qu'il fait, il veille sur son œuvre et c'est un travail à plein temps. À force d'apercevoir sur ses écrans de contrôle parmi ses ouailles tantôt une âme en peine, tantôt un être qui a besoin d'un petit coup de pouce, ou tel autre qui doit être remis dans le droit chemin, eh bien, Dieu, il a du pain sur la planche. C'est pour cela qu'il a appris à bien s'entourer et à confier à d'autres l'une ou l'autre besogne. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, dans ces cas-là, il va pêcher dans sa liste de locataires du paradis. Il y a quand même eu une exception notable, hein. Il a été une fois repêché quelqu'un en purgatoire, c'est vrai qu'on n'imaginerait pas. que cette personne sorte du paradis. D'ailleurs, si vous écoutez attentivement les noms que je vais citer, vous n'aurez pas de mal à deviner de qui je parle. Eh bien, il va pêcher dans sa liste de locataires du paradis la bonne personne qui pourra remettre l'église au milieu du village. Si cette dernière mène sa tâche à bien, elle se verra exaucer une faveur de son choix. Au fil des épisodes, on a ainsi vu toute une série de personnages aussi disparates que Marilyn Monroe, Louis XIV, Al Capone, Agatha Christie, Michel-Ange, et plus récemment, donc, dans le volume 3, Victor Hugo, Maria Callas, Gandhi et Michel Audiard venir prêter main forte à des clochards désœuvrés, un jeune cadre idéaliste maladivement timide, une équipe de policiers intègres démoralisés par la corruption rampante, un couple sur le point de divorcer, une fortune de Wall Street ou encore un con qui prend tout le monde pour un qui tout le monde est con, un criminel en col blanc qui se prend pour Jean Valjean, bref, toute une série de doyens en peine. Il y a donc plusieurs degrés de lecture à cette série. Le premier consiste à y voir de gentilles petites histoires mettant en scène Dieu en papy presque dépassé où tout est bien, qui finit bien. C'est propre et net, cela fait sourire, voire par moments carrément rire. Le second degré de lecture, eh bien, il se focalise sur la redécouverte de certains ancêtres illustres, de leurs accomplissements et de la pertinence de leurs idées et méthodes pour faire face à des situations tout ce qu'il y a de plus actuel. Enfin, en troisième niveau, on y trouve en filigrane une satire de notre société actuelle, de ses vices et dérives. La structure de chaque épisode est immuable. On prend connaissance d'une situation qui pose problème, puis Dieu nous présente le CV de la personnalité qu'il a décidé d'envoyer en mission. Au terme des aventures de celle-ci, elle vient présenter ses résultats au patron et lui réclamer la récompense de son choix. Il y a plusieurs passages savoureux, comme les péripéties d'Al Capone, Hemingway, Louis XIV, Homer ou Marilyn Monroe. Personnellement, moi je regrette l'escamotage dans le récent opuscule du passage chez la costumière. C'était une parenthèse tout aussi croustillante que celle de la faveur finale. Les sketchs sont courts mais efficaces avec un dessin presque caricatural qui renforce évidemment l'effet comique de l'ensemble. En conclusion, Bon Enfant est plein de bonnes intentions mais plus profond qu'il n'y paraît. Saupoudré d'une bonne dose d'humour divin et humain, ces trois volumes emmènent le lecteur non sur une autre planète, mais dans un univers parallèle, comme quoi il faut voir le bon côté de la vie. Les miracles se produisent chaque jour et sont à la portée de chacun. Personnellement, une petite idée qui m'est venue comme ça, pour faire évoluer le concept, pourquoi ne pas imaginer une mission qui échouerait? Que ferait Dieu? Offrirait-il une seconde chance au candidat? Le remplacerait-il? Lui adjoindrait-il un coéquipier? Ou laisserait-il tomber le cas en question? Réponse plus tard, si telle, évidemment, est la volonté supérieure. Je vous rappelle donc ces séries qui sont sorties chez Dargaud au mois de septembre. Enfin, le volume 3 est sorti au mois de septembre. Il est donc tout chaud. La série Dieu n'a pas réponse à tout. Le volume 3 s'intitule « Mais il s'est délégué ». C'est de Tony Benacquista et Nico Barral. Je vais vous mettre dans le groupe Facebook les couvertures des trois volumes, la petite conclusion que je viens de vous dire, et puis sur notre site internet, vous aurez la fiche de lecture complète. Et puis, les éditions du tiroir annoncent des sorties. Il y a trois ouvrages pour les 25 ans d'aventure de Caroline Baldwin. C'est par l'auteur André Teymans. Il y a trois sorties. Donc, le premier, ça s'appelle Double Dame. C'est une nouvelle collection atypique. C'est le 20e album de Caroline Baldwin. Moon River en tirage limité à 1000 exemplaires numérotés et signés. C'est un grand format pour Moon River, le premier album de la série Caroline Baldwin qui est paru en 1996. Et puis l'intégrale complète tirée elle aussi à 1000 exemplaires avec un ex-libriste numéroté et signé qui reprend 19 albums. Et il fait pas moins de presque 1000 pages, 960 pages, il est vendu au prix de 99€, c'est aux éditions du Tiroir, qui annonce aussi en plus le tome 1 de Tucker, c'est la série qui est lancée par Marc Westerlin. Plus d'infos, vous allez voir sur le site des éditions du Tiroir. Retour à la musique et avant de retourner sur notre album Powerplay, on écoute Catherine Britt avec un morceau intitulé tout simplement « Me ». « used to party with the A-list, was the greatest, I was shameless. Caught up in the moment of the bright lights, the free ride, the upside of being on the inside. I don't wanna live on my phone, trying to feel in the darkness with a heart that's never felt so alone, trading in something priceless like realness. If I'm gonna be somebody, you can bet I'm gonna be somebody, gonna be me. Be famous and faceless without my mess. No, I don't wanna be a shooting star with a new guitar, hiding my old scars, just to ride in the fast cars. I don't wanna live on my phone, trying to feel in the darkness with a heart that's never felt so alone, trading in something priceless. Somebody, you can bet I'm gonna be somebody, gonna be me. You can bet I'm gonna be somebody. Gonna be me. Me. Gonna be me. Me. Gonna be me. Me. Gonna be me. Me. Me. C'était Catherine Britt. Retour donc sur notre album Power Play. Il est grand temps puisqu'il est 18h16, la seconde moitié de la décennie 90 a été très calme puisqu'il a fallu attendre 6 ans jusqu'en 2002 pour voir un nouvel album sortir. Il s'agissait de The Naked Ride Home. En 2003, Brown est apparu en guest star en tant que lui-même dans un épisode des Simpsons intitulé « Fren, mon épouse », en anglais « Break my wife ». En 2004, Brown est introduit dans le Rock'n'Roll Hall of Fame. C'est Bruce Springsteen lui-même qui a prononcé le discours à cette occasion. Il a notamment dit que même si les Eagles avaient été admis avant lui dans le Hall of Fame, c'est lui, Jackson Brown, qui avait écrit les chansons qu'ils auraient souhaité avoir écrites. Les signes de reconnaissance ne s'arrêtent pas là puisque le magazine Rolling Stone a sélectionné 3 des albums de Jackson Brown pour faire partie de sa liste des 500 meilleurs albums de tous les temps. Il s'agit de For Everyman, Late for the Sky et The Pretender. Dans les années qui suivent, on le voit participer à divers événements caritatifs, gagner plusieurs récompenses prestigieuses, et en 2014 sort une double compilation de 23 chansons intitulée Looking Into You, A Tribute to Jackson Brown, reprenant des reprises de ses morceaux, interprétées par Bruce Springsteen, Dan Henley, Lyle Lovett ou encore Bonnie Raitt. En mars 2020 sort Little Soon to Say, le single qui annonce son nouvel album, le 15e, celui dont on parle aujourd'hui. Ensuite, ce sera au tour du single Downhill from Everywhere, dont le titre sera choisi pour être aussi celui de l'album. L'album était prévu donc pour sortir le 9 octobre de la même année, en 2020, le jour de son 72e anniversaire. À cause de la pandémie, eh bien, il n'est finalement paru qu'en juillet 2021, tandis que la tournée promotionnelle prévue avec James Taylor a elle aussi été repoussée à l'été 2021. Pour terminer, on peut encore souligner que Jackson Browne a reçu le Duke LEAF Award pour Lifetime Environmental Achievement in the Fine Arts en 2010 pour ses efforts afin de rendre ses tournées plus vertes, tandis que l'organisme Save Our Shores, en français « Sauver nos rivages », l'a honoré le 23 février 2011 et lui a remis sa récompense « Héros de l'océan ». Cette journée a été consacrée à Jackson Browne Day pour rendre hommage à son action environnementale contre le plastique. Il y aurait encore tant d'autres choses à dire à son sujet. Si vous voulez en savoir plus, les articles sont légion sur Internet. Vous pouvez déjà commencer par sa page sur Wikipédia. Il y a pas mal de lectures à ce niveau-là. En attendant, on l'écoute une dernière fois pour aujourd'hui avec le morceau intitulé « Still Looking for Something ». Je vous rappelle que je vous ai mis le clip vidéo officiel du morceau de My Cleveland Heart dans notre groupe Facebook. Voilà, donc on l'écoute avec Still Looking for Something, si je ne m'abuse. Ouais, c'est la plage d'ouverture de ce nouvel album de Jackson Browne, Downhill from Everywhere. Power play. Power play. I'm still looking for something. I'm out here under the streetlight, baby. I'm still looking for something in the night. I might be giving up something. You don't get something for nothing, baby. Nothing you can hold up to the light. If all I find is freedom, it's alright. All right. opinion to view with you. At the center of every moment, I can't wait to feel alive again. If only I could find the fire within me. We can't define. As the sunlight slowly shifts beyond our sight, I don't know just what it should be like. But I can see you in the center of every moment. Ils ont un son qui ressemble un peu à The Cure ou Depeche Mode des années 80-90. Hein. Mais non, c'est le groupe de Silence Industry avec le morceau Lean Into Me. On va devoir les couper un peu parce qu'on doit encore écouter My Sweetest Punch, All I Need Is Love. Et puis on va tout doucement se dire au revoir. C'est la fin de cet épisode numéro 436 de Planet Indie. Je vous retrouve pour une nouvelle émission en public, en direct. Le 4 décembre, j'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. Cette émission sera rediffusée demain aux mêmes heures, entre 17h et 18h30 sur cette même fréquence. Vous retrouverez le podcast sur notre site internet, ainsi que la playlist et toutes les informations complémentaires. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. Prochaine émission en français sur RGL, samedi prochain aux mêmes heures. D'ici là, passez une bonne soirée, un bon week-end, et on se retrouve donc le 4 décembre pour une prochaine émission en direct pour le numéro 437 de Planet Indie. Allez, on écoute My Sweetest Punch, All I Need Is Love. À bientôt et portez-vous bien. Close my eyes, say goodbye and let it die. So I let it fall, I let it end, I let it go. Time, I give you time, time to heal, heal your wound. So hold on, hold on to my hand, I will be your. I don't wanna lose you, I don't need no just like